Pendant la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix de Normandin, votre magasin IGA Denis Cloutier de Normandin vous offre des spéciaux imbattables. Cette semaine, le café Maxwell House à 5,99$, le melon d'eau à 3,99$, le beurre de marque Compliment à 3,33$. IGA Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril Normandin, 418-274-2009. Toute notre équipe souhaite un franc succès aux équipes qui participent à la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix à la Chute à l'Ours et remercie les organisateurs qui se donnent corps et âme pour en faire un événement majeur pour Normandin. La semaine dernière, Michel Tifaut et Dominique Bauduc de la station CKJ ont parlé avec l'arbitre d'Albanel Justin Saint-Pierre. Donc l'arbitre de la Ligue nationale se prépare en vue de la prochaine saison. On a également parlé de la première édition de l'école d'arbitre Justin Saint-Pierre qui a eu lieu dernièrement à Vaissingney. Donc on écoute cette entrevue. Jusqu'à 17h, vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifaut et Dominique Bolduc. Il est 16h16. Justin Saint-Pierre est notre invité, arbitre dans la Ligue nationale. On a entendu parler beaucoup de Justin Saint-Pierre dans les derniers jours en raison de son école d'arbitre. C'est le sujet dont on veut parler dans les prochaines minutes. Justin Saint-Pierre, bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien, Justin. Avant de te parler de ton école d'arbitrage, il y a quelques minutes en ondes, Dominique, puis moi, on s'obstinait. Puis je vais te poser la question, puis moi, juste que c'est difficile d'avoir la réponse. Ben, on a des réponses, mais qui a la bonne réponse? C'est le lancement qui est dur. C'est le lancement qui est dur à faire. Selon toi, Justin, puis tu les as pas vu jouer, mais mon Dieu, je suis certain que tu n'as entendu parler, là. Puis c'est pour ça que je te pose la question. Qui a été le plus grand joueur de hockey de tous les temps? Wayne Gretzky, Mario Lemieux ou Bobby Orr? Je sais que tu les as pas vu jouer, là. Mais selon ce que tu as entendu dire, les commentaires, puis est-ce que, d'après toi, c'est qui le meilleur joueur de tous les temps? Moi, je pense que c'est Wayne Gretzky, mais Bobby Orr, je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu parler. Mais je pense que Wayne Gretzky, là, c'est le. Je pense que c'est Gretzky. L'as-tu déjà croisé? Sans indiscrétion. L'as-tu déjà croisé? Ben oui, je vais l'arbitrer. Moi, quand j'ai commencé dans la ligue, il coachait à Phoenix. Puis Mario veut l'arbitrer. Mario, il joue encore à Pittsburgh dans mes premières années, moi. Quand il était revenu après sa blessure, il était pas comme il était avant. Oui, mais quand même. Est-ce qu'il était intimidant sur la glace? Je veux dire, il était tellement bon, il avait tellement de notoriété. Est-ce qu'il était intimidant, Mario Lemieux? Oh, il était intimidant. Mario, c'est bizarre. Tu sais, quand tu dis un joueur, il patine, c'est naturel. Là. Mario, il avait tellement de l'air pas vite quand tu le regardais dans la TV puis dans les strades, là. Mais quand tu es à côté de lui, sa glace, là, c'était tout un patineur. C'était incroyable. Ah ouais. Puis Wayne Gretzky, lui, tu l'as pas arbitré comme joueur, mais comme coach. Mais comme coach, il n'a pas eu de succès. Non, il était pas. Wayne n'a pas eu beaucoup de succès comme coach, mais comme joueur, je ne l'ai pas arbitré. Il avait fini quand je suis arrivé en 2003. OK. Puis là, si je te demandais, puis après ça, on va parler de ton école d'arbitre, là, au moment où on se parle, c'est qui le top joueur? C'est Nick Crosby encore. En avant de Connor McDavid, puis... La maturité. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oui, c'est ça que Connor McDavid est encore jeune, mais Sidney a pris de la maturité, puis c'est le meilleur joueur au monde, sans indiscrétion, c'est le meilleur joueur au monde. Bon, OK. Dominique, on s'obstine plus. Actuellement, c'est Crosby. Oui. Puis McDavid va le dépasser bientôt. Puis après ça, ben c'est Gretzky. Moi, je garde Bobby Orr dans le décor. Justin l'a pas vu jouer, toi non plus. Moi, j'étais très, très jeune, mais quel joueur il a été, Bobby Orr. Maintenant, l'école d'arbitrage de Justin Saint-Pierre, qu'est-ce que tu retiens de cette première édition, Justin? Écoute, ça a été... je retiens qu'on a eu... Tu sais, le monde me disait, il n'y a pas beaucoup de monde. On a eu 12 participants, mais je pense que les participants ont aimé ça parce que on était 6 entraîneurs, puis on était assis avec... On s'assisait beaucoup avec chacun des élèves. On les jasait, on les expliquait un par un, puis je pense que les élèves ont bien aimé ça. Puis c'est pour ça que je me dis, dans les années à venir, je ne sais pas si je veux passer 20 ou 25, parce que j'aimerais ça garder cette attitude-là, la mentalité de parler un à un à tous les élèves. Puis je pense que tu apprends beaucoup mieux avec ce temps-là. Est-ce que tu penses, Justin, que les jeunes ont peur d'épouser le job d'arbitre au hockey? Oui, définitivement, c'est sûr que les jeunes... parce que, tu sais, Michel, je viens souvent pendant l'hiver, puis je fais des tournois, puis oui, je fais du atom, je fais du novice même, puis les petits jeunes qui se font crier après, là, ils ont peur de ça, puis ils n'aiment pas ça. je pense que c'est ça que j'essaie d'amener avec mon école d'arbitre aussi pour expliquer aux jeunes que les spectateurs crient pas après toi, ils crient après ton gilet. C'est pas personnel. J'ai mis ça en face beaucoup en fin de semaine que c'est pas personnel. C'est après ton gilet d'arbitre qui crie. C'est pas après toi. Si on changeait le gilet d'arbitre, au lieu de n'avoir un rayé, si on le mettait noir ou blanc ou je sais pas quoi. Je pense qu'il faudrait qu'il se mette à aller tout nu, ben. ça réglera pas le problème. D'après toi, Justin, à quel âge doit-on commencer à arbitrer? Ou l'an prochain, pour la deuxième édition de l'école d'arbitrage de Justin Saint-Pierre, est-ce qu'un jeune de 10, 11, 12, 13 ans pourrait s'inscrire? Ben, c'est parce que je pense qu'au Hockey Québec, les règlements disent que ça te prend 14 ans pour commencer à arbitrer au hockey. Fait que c'est pour ça nous autres, on a commencé à 14 ans cette année, mais je me suis jamais posé la question si ça vaut la peine de commencer à former les jeunes, mais si tu peux pas arbitrer avant 14 ans, je pense que ça vaut pas la peine d'un petit gars de 10 ou 11 ans de commencer à venir à l'école d'arbitre. Il y avait juste des gars, ben il y avait des filles à ton école d'arbitre? On avait juste des gars. Il y avait une fille à un moment donné, puis elle s'est cancellée le mercredi en raison de familial. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je n'ai pas posé de question, mais on avait une fille d'inscrit, puis elle n'a pas pu venir. Qu'est-ce que vous avez tenté de... Évidemment, l'arbitrage, c'est du jugement, puis c'est des règlements. Mais qu'est-ce que vous avez tenté d'inculquer à vos arbitres dans cette école d'arbitrage? Écoute, premièrement, on voulait inculquer la passion. Je pense que tous les étudiants qui étaient là en fin de semaine, ils avaient la passion. On a fait beaucoup de vidéos. On a fait des vidéos pendant une classe. On est allé puis dimanche, je me suis organisé que j'ai fait une game d'hockey. On a pris 3 arbitres par game. Par période, on a fait 4 périodes de 12 minutes. J'avais un arbitre qui allait sur la glace avec l'arbitre qui arbitrait la partie. Puis il y avait 2 juges de ligne comme Régis Savard, Marc Simon. Moi-même puis Mathieu Deschain, comme arbitre, on est allé avec les arbitres puis on les suivait sa patinoire pour on les apprenait beaucoup les positions. Les positions parce que il y a bien souvent qu'on peut manquer un call. Si tu peux être 1 millimètre ou 1 centimètre trop à droite, puis tu vas manquer le call à cause de ça. Fait qu'on essaie de nous impliquer beaucoup la position sur la glace. Je suis chanceux d'avoir comme invité un arbitre professionnel. Selon toi, Justin, parce que évidemment, toi, t'as un salaire de Ligue nationale. Les arbitres dans le junior majeur ont un salaire. Dans la Ligue nord-américaine, ils ont un salaire. Même au hockey mineur. Mais selon toi, voici ma question. Est-ce que les arbitres sont assez bien rémunérés dans l'ensemble? Écoute, je peux pas c'est dur à te répondre à ça. Je sais même pas combien qu'ils font les arbitres quand ils font une game au novice atom. C'est-tu 25, 20, 20, 30, 40 $, mais je ne sais pas. Mais je pense que les arbitres qui viennent faire du atom novice puis oui, bantam, je pense qu'ils viennent pas juste pour la paye. Je pense que ça prend du monde qui aiment le travail. C'est comme moi, quand je m'en vais arbitrer une game de hockey, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de partir, j'ai hâte d'aller arbitrer. Je pense que les jeunes, là, c'est ça que j'essaie d'inculquer aussi à mon école. Faut que tu aies la passion, faut que tu t'aies hâte d'arriver à l'aréna pour aller arbitrer. Puis c'est ça que je lui disais, ça peut te soir, patiner, arrête. Il n'y a rien de pire qu'un parent, oh ben non, un joueur de hockey qui va une game de hockey, qui voit l'arbitre se traîner les pieds, qui patine pas. Puis premièrement, moi, personnellement, quand je vais voir une game de hockey, j'aime ça quand l'arbitre, il patine, puis on voit qu'il est intéressé, puis il veut être là. On voit qu'il est dans la game. Il est dans la game, comme on dit. C'est en plein ça. Je vous ai dit des calls, vous allez en manquer, c'est sûr, mais si vous manquez des calls, puis vous patinez, puis vous donnez à 100%, ça va pas mal moins chialer que si vous manquez des calls, puis vous patinez pas, puis on voit que vous êtes pas intéressé. Justin, es-tu déjà allé une game de hockey pour arbitrer à reculons? Parce que je sais pas, là, la game d'avant, ça n'avait pas bien été. Ou la dernière fois que tu avais arbitré cette équipe-là, ça n'avait pas bien fonctionné. Es-tu déjà allé en reculant un match? Ben, personnellement, moi, je te dis pas ça parce que c'est moi, mais ça ne m'a jamais arrivé. Moi, quand je fais une game de hockey, si je fais une game de hockey le vendredi soir, j'en ai un autre le samedi. Le vendredi soir, après ma game, je regarde la vidéo, je regarde les DVD, il faut que je regarde, puis la game est oubliée, il faut passer à une autre chose, il faut passer à la game du lendemain ou 2 jours après. Oui, bonne façon de fonctionner. Autre chose, ce matin, tu me disais, quand on s'est parlé au téléphone, je suis actuel, parce que là, t'es comme les autres, ton camp d'entraînement s'en vient, la prochaine saison, t'es à 16e dans la Ligue nationale, ça approche à grands pas. Tu me disais ce matin, je suis à l'entraînement extrême. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'entraînement extrême pour Justin Saint-Pierre? Bon, je fais des l'extrême pour moi, c'est les poids le matin, puis je fais du cardio le soir. Je fais des sprints le soir, puis le matin, je fais des poids poids haltères le matin. Là. Je pars du haut gym vers 7h moins quart, j'arrive ici là à 9h moins quart, 9h. Après ça, le soir, après que le coucher du soleil un peu, là, vers 6h30, je vais faire des sprints à Orvida en arrêt de la polyvalente. Parce que quand tu vas arriver au camp d'entraînement des arbitres à Buffalo au mois de septembre, si t'es pas en forme, tu peux le regretter? Oui, j'aimerais être en forme. Là, on est rendu qu'on fait les tests des BIP. Je pense que tu sais un peu c'est quoi. Là, le monde le savent un peu, les BIP. Oui. Après ça, on fait ça pour être respecté. Puis on fait le test sur le bestic du weight gate. Là, fait que si, oui, c'est sûr qu'on va le regretter si on n'arrive pas en forme. On va arriver en forme que pas en forme. OK. Et c'est ta 16e saison dans la Ligue nationale de hockey. T'arbitres combien de parties dans une saison habituellement? Saison guerre, c'est 113. On fait 113 parties, puis les deux dernières années, là, il y a eu des blessés, ça fait qu'on on aurait fait 115. Il y en a qui en font 114, ça dépend des années. Mais quand il n'y a pas de blessés, de l'habitude, on est disposé de faire 113. C'est pas plus que ça. Ça veut dire, mais c'est au moins 2-3 games par semaine, là? Oh, ben ça, c'est différent chaque semaine. Ça peut être une semaine, je peux en avoir 4. La semaine d'après, je peux en avoir 2. Il y a une semaine qu'on peut être 4 jours off. Fait, c'est pour ça que quand je suis capable de descendre ici 4-5 jours, quand il y a 4-5 jours off, ça en profite de venir ici. Là. OK. Évidemment, quand tu arbitres le Canadien au Centre Bell, ben, t'es plus proche de chez vous. Si jamais t'as à venir au Saguenay, ben, c'est pas comme à New York ou à Détroit, là. Non, c'est plus facile, mais d'habitude, quand je suis à Montréal, j'ai tout le temps quelque chose le lendemain, ben, deux jours après, soit que je suis à Toronto ou à Ottawa. Ça fait que à cette heure, avec les avions puis tout, là, même si je finis à New York, puis j'ai 4-5 jours off, là, je m'organise pour descendre ici. Dans ce temps-là, j'arrive à Bagotville, puis je suis à 20 minutes, 15 minutes. Est-ce qu'on peut confirmer qu'il y aura une deuxième édition de la clinique ou de l'école d'arbitrage de Justin Saint-Pierre? Oui, définitivement, c'est sûr qu'on fait une deuxième édition l'an prochain. Puis comme je disais un petit peu cette semaine, je vais essayer de m'organiser avec le hockey mineur. Comme je te dis, je veux pas avoir 40 personnes. J'aimerais ça monter peut-être à 20, 25. Si le hockey mineur s'organise avec chaque zone pour envoyer deux arbitres de chaque zone, je pense qu'on pourrait facilement atteindre le 20, 25 arbitres participants à l'école d'arbitre l'an prochain. Justin Saint-Pierre, merci beaucoup. Bonne 16e saison dans la LNH. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.